En 1977, le punk bat son plein et Johnny Rotten se balade en arborant un t-shirt « I hate Pink Floyd ». C'est ce moment que choisit le groupe pour sortir son album le plus agressif. S'appropriant la critique du régime soviétique par George Orwell dans « La ferme des animaux », Roger Waters s'en prend au capitalisme. Comme si la foi perdue depuis « Wish You Were Here » était revenue, c'est un groupe resserré et terriblement efficace qui enregistre ce nouvel opus. Pourtant, les dissensions au sein du groupe atteignent leur paroxysme lors du dernier concert de leur tournée à Montréal. Souvent sous-estimé, Animals a aujourd'hui retrouvé grâce auprès des fans. Les solos flamboyants de Gilmour, la hargne de Waters, les derniers éclats de Wright et la batterie fougueuse de Mason font d'Animals un album essentiel de la discographie de Pink Floyd. Il est analysé dans ce livre par Philippe Gonin, guitariste spécialiste de l'histoire et de l'analyse des musiques actuelles. Il enseigne à l'Université Bourgogne-Europe. Nous lui devons déjà aux éditions Le Mot et le Reste, The Dark Side of the Moon, The Wall et Wish You Were Here, de Pink Floyd bien sûr. Pink Floyd, Animals, de Philippe Gonin, est paru aux éditions Le Mot et le Reste.